Troisième partie, la tempête. Chapitre 36, la bordure extérieure, la nébuleuse de cœur. Le New Elite émergea de l'hyperespace à proximité d'une nébuleuse d'un vert vif qui baigna aussitôt la passerelle du vaisseau d'une lueur marécageuse écœurante. Kassav détestait cette couleur. Il était originaire de Thriller, au cœur de l'espace Hutt, un monde désertique où les seules choses vertes qu'on pouvait voir l'étaient à cause de la moisissure qui les recouvrait. Le vert n'était pas naturel. C'était une teinte maladive, un mauvais présage. Il n'avait pas besoin de ça. La passerelle du vaisseau était silencieuse, pas de musique. Kassav n'était pas d'humeur. Il contemplait ce qui restait de sa main, tandis que le droïde médical essayait de la soigner, refermant la chair entaillée, rafistolant l'ensemble comme il le pouvait. Les options semblaient se limiter à garder sa main avec les quelques doigts qui y étaient toujours attachés, ou bien trancher ce qui restait et bénéficier d'une prothèse. Dans les deux cas, ses compétences de tireur ne seraient jamais plus les mêmes. Il allait falloir qu'il apprenne à tirer de la main gauche. Markionro, pensa Kassav. Ce salaud de Markionro. L'œil vous a dit quand ces vaisseaux de la République allaient débarquer? Demanda Trempette. On a prévu une sacrée force de frappe. Ça devrait suffire à envoyer au tapis tout ce sur quoi on pourrait tomber. On se débarrasse de ce truc d'enregistreur dont Markionro nous a parlé et on reprend les affaires. Le Gungan se fendit d'un large sourire et ses grandes dents d'abruti brillèrent comme des champignons phosphorescents dans la lueur étrange émise par la nébuleuse. J'en ai marre d'attendre, poursuivit Tramp. On est les Nils, faut qu'on dompte la tempête. Kassav leva les yeux de sa main ravagée et fusilla son lieutenant du regard. « Écoute-moi bien, espèce de cloaque. Tu attendras aussi longtemps que je te dirai d'attendre, et après tu feras exactement ce que je te dirai de faire. » Trempette leva les mains, ses deux mains absolument parfaites, comme pour remuer le couteau dans la plaie, et recula d'un pas. « Ok, boss. » Tramp avait l'apparence d'un cadavre. Un cadavre moisi, mort depuis 3 semaines. Kassav balaya la passerelle du regard pour observer le reste de son équipage. C'était le cas de tout le monde. Maudite nébuleuse. À travers la baie d'observation, il vit le reste de sa tempête s'extraire de l'hyperespace, comme prévu. Il y avait environ 100 de vaisseaux, petits pour la plupart, des nefs de foudre, des nefs de nuages, ainsi qu'une poignée de vaisseaux plus gros, des bâtiments d'assaut, des cargos modifiés, ce genre de choses. Ses troupes fidèles, et fidèles à lui seul. Ils étaient tous des Nils, bien sûr, mais ses équipages n'acceptaient d'ordre ni de Panetta, ni de Lournadi, et sûrement pas de Markionro. Kassav contempla sa flotte, laissant glisser son regard d'un vaisseau à l'autre. Il y avait là quasiment toute sa tempête, à l'exception de quelques vaisseaux occupés à remplir de petites missions. Ce n'était peut-être pas la plus belle de la galaxie, mais elle était puissante. Elle pouvait faire des dégâts. Panetta n'embauchait que des intellos coincés dans ses équipes. Lournadi ne choisissait que des menteurs et des sournois. Kassav, quant à lui, eh bien, il avait toujours préféré choisir des guerriers. Il se disait que si on devait en arriver là, sa tempête serait probablement capable de vaincre les flottes de Panetta et Lournadi combinées. Tous des guerriers jusqu'au dernier, et ils partageaient tous la même certitude, une leçon que Kassav avait apprise avant même de savoir marcher. Au cœur de la bataille, ne t'arrête jamais de te battre. La victoire ou la mort. En fait, en regardant sa tempête fourmiller autour du New Elite, une idée lui traversa l'esprit, et pas pour la première fois. Avait-il seulement besoin des Nils? Pourquoi ne pas prendre ses troupes et partir? Changer de bordure, trouver un autre endroit où bosser. Les sentiers étaient pratiques, mais il n'en avait pas besoin. Et il était sûr et certain de ne pas avoir besoin de Mark Yonro. La galaxie était vaste. Il pouvait lancer un nouveau gang dans le style des Nils. Il avait appris toutes les techniques. Il n'y avait pas de raison qu'il ne puisse pas les réutiliser ailleurs. Mais pas un truc stupide à base de tempête et tout le reste. Il en avait plus qu'assez. Peut-être quelque chose en rapport avec... Le feu. Ça pourrait marcher. Les étincelles tout en bas, puis les flammes, les brasiers, la fournaise. Ouais, ça pourrait très bien marcher. Et lui, au sommet, tel le soleil. Kassav, un astre géant et puissant autour duquel tournait tout le reste. Parfait, ça fonctionnerait comme un charme. Il y avait toujours des gens qui voulaient appartenir à un groupe, trouver un moyen de s'élever. Et la République était riche, grasse, prête à être pillée. Les enquêteurs Jedi dont Mark Yonro avait si peur cherchaient les Nils, pas lui spécialement. Ouais, il connaissait peut-être son nom et son vaisseau depuis Eriadu, mais il pouvait changer les deux. Si Mark Yonro et les autres maîtres tempêtes tenaient tant que ça à l'organisation, ils n'avaient qu'à en assumer les conséquences et se débrouiller pour gérer tous ceux qui voulaient voir les Nils disparaître. En fin de compte, qu'est-ce qu'il fichait ici à attendre ces vaisseaux de la République et leur stupide boîte noire? Mieux valait leur laisser et qu'ils s'en servent pour traquer Markion et le reste des Nils. Ça résoudrait deux problèmes à la fois. Il avait toute sa tempête rassemblée autour de lui. Il pouvait donner l'ordre de partir tout de suite. Kassav repoussa le droïde médical d'un geste agacé. Il posa les yeux sur le panneau de contrôle des communications intégrées à son fauteuil de commandement et de sa main blessée entra maladroitement le code permettant une transmission pour toute la flotte. Bye bye tempête, bonjour fournaise, songea-t-il. Des vaisseaux émergent de l'hyperespace, Kassav, annonça Delex depuis le poste de surveillance. Il la regarda les yeux plissés. Les transports de la République? Elle se pencha en avant comme si elle ne croyait pas à ce que les écrans lui disaient. C'est peut-être bien la République, mais il n'y a pas qu'une poignée de vaisseaux, répondit-elle avant de se tourner vers lui, son œil organique écarquillé. « C'est une flotte de combat !» Debout sur la passerelle du Third Horizon, l'amiral Cronara analysait l'écran tactique, se concentrant plus particulièrement sur les données qui venaient d'apparaître concernant les forces ennemies. Tout portait à croire que sa coalition allait affronter la flotte entière des Nils, et elle n'avait rien d'une armée désorganisée de vulgaires pillards. Des dizaines d'appareils de toutes les tailles, allant de simples chasseurs jusqu'à un vaisseau-mère central, un bâtiment visiblement customisé ayant les dimensions d'une corvette standard. Les scans brossaient déjà un tableau de leur capacité militaire et elles se révélaient plutôt conséquentes. Ce ne serait pas un jeu d'enfant. Chaque vaisseau semblait prêt à en découdre. Tous, sans exception, étaient armés jusqu'aux dents, avec un arsenal complet allant de canons laser jusqu'à des mines magnétiques. Il y avait là le potentiel pour une bataille d'une ampleur qu'aucun militaire de la République, pas même un haut gradé comme lui, n'avait connue depuis des décennies. C'était le problème avec une si bonne chancelière. Les Huts se faisaient discrets, les Mandaloriens n'avaient pas posé de soucis depuis avant sa naissance, et les plus gros combats que ses troupes avaient eu à mener dépassaient rarement la taille d'une escarmouche. Il n'existait même pas de flotte républicaine en tant que telle. Juste le singulier croiseur de classe émissaire qu'était le Third Horizon, et divers vaisseaux tactiques ou d'escortes de plus petite taille. De manière générale, les secteurs et les planètes se chargeaient de leur propre sécurité. Les rares fois où il y avait eu une menace plus importante, le traité de la coalition défensive de la République pouvait être mis en œuvre. Les mondes prospères comme ceux de Chandrila ou d'Alderaan étaient appelés à fournir des vaisseaux et du personnel placés sous le commandement d'officiers militaires de la République avant d'être rendus à leur planète d'origine une fois la crise passée. C'était justement le cas, cette fois-ci. Sur les ordres de la chancelière, Cronara avait sonné le ralliement et était parvenu à rassembler une force opérationnelle de bonne taille. La plupart des mondes signataires avaient été plus qu'heureux de fournir de l'équipement, Tous voulaient participer aux représailles contre les Nihil, ces criminels qui avaient paralysé la galaxie. Sous son commandement direct, Cronara bénéficiait du Third Horizon, accompagné de ses longues beams, et d'un complément plutôt robuste de Skywing Incom Z-28. En fait, ces hangars contenaient la quasi-totalité de la petite division d'appareils d'assaut placée sous le contrôle direct de la République. Outre cela, les planètes membres de la CDR leur avaient confié 5 croiseurs de patrouille de classe pacificateur, tous dotés d'un équipage d'une centaine de personnes, ainsi que de leur propre escadron de Long Beam et de Skywing. Et un autre groupe était en chemin. Pas un signataire du traité de la CDR, et pas nécessairement le genre de personne qui l'aurait invité à se joindre à lui, mais pas non plus le genre de personne que l'on pouvait aisément refuser. Surtout si l'on prenait en compte la tragédie qu'ils avaient subie à cause des émergences. Un autre appareil était visible sur son écran, qui ne relevait pas de son autorité, mais qui n'en était pas moins un allié. L'Ataraxia, l'unique grand vaisseau placé sous le contrôle direct de l'Ordre Jedi. C'était un bâtiment magnifique, conçu pour évoquer de façon subtile le symbole de l'Ordre, avec sa coque et ses longues ailes courbées soulignées par un revêtement blanc et or. Si l'Ataraxia avait pour futur proche d'être rattaché de manière permanente au flambeau stellaire dès que la station serait opérationnelle, il était venu ce jour-là prêter main forte à la flotte de la CDR. Le vaisseau disposait d'un armement léger, mais pouvait transporter un grand nombre de vectors, et ses hangars étaient actuellement pleins. Jusqu'à ce que l'appareil n'arrive, Cronara n'avait pas été certain de la participation des Jedi, malgré la requête de la chancelière Sou. Les Jedi étaient liés à la République à bien des égards, mais ils pouvaient, et cela arrivait, rester indépendants à chaque fois que cela leur semblait approprié. Quelle que soit leur raison cette fois-ci, il était content que l'ordre soit venu. Il s'avérait souvent utile d'avoir des Jedi sous la main. L'amiral Cronara n'était pas un va-t-en-guerre. Mais il n'aurait pour rien au monde laissé passer l'occasion de rassembler une telle force opérationnelle, de réaliser un combat en temps réel et de s'exercer à la coordination. De plus, cette situation ne présentait aucune ambiguïté d'ordre moral. Ce Nihil était clairement du mauvais côté de l'histoire. Une opération militaire justifiée contre une force armée conséquente? L'opportunité de faire de la galaxie un lieu plus sécurisé? Ça oui, il signait des deux mains. Il reporta son attention sur l'écran, réfléchissant à la tactique qu'il allait employer. Ses forces étaient en vert, déployées en rang uniforme et discipliné. Les Nihil formaient une masse rouge, tourbillonnante et chaotique. Il y avait beaucoup de vaisseaux là-dedans. Cela n'aidait pas à prédire comment les choses pouvaient tourner. Cronara avait étudié les rares renseignements rassemblés par les forces de sécurité de divers mondes de la bordure extérieure dont on disposait sur les Nihil. À en croire leur réputation, c'était un sacré ramassis de sauvages. Plus inquiétant encore, des rapports suggéraient qu'ils pouvaient quasiment apparaître et disparaître à leur guise. Il ignorait ce que cela signifiait, mais cela laissait entendre qu'ils pouvaient user de tactiques totalement uniques. Eh bien, qu'ils essaient. Il avait ses petites tactiques personnelles, lui aussi. Il regarda à nouveau sa propre flotte sur l'écran. Pas vraiment une armada, mais une force plus que suffisante, toutes choses considérées. Si les Nihil voulaient se battre, ils seraient servis. L'amiral Cronara activa son comlink et appela l'Ataraxia de façon à coordonner ses premières actions avec la commandante, Maître Jorah Mali. Il la connaissait un peu. Elle avait plutôt l'esprit militaire, comme c'était souvent le cas chez les Jedi, et avait été désignée pour diriger le temple Jedi du flambeau stellaire une fois que la station ouvrirait ses portes. Mais comme cela n'était pas encore le cas, elle était ici et représentait l'ordre dans la lutte contre les Nihil. Maître Mali, nous allons tenter de contacter le vaisseau mère des Nihil. L'obstruction créée par la nébuleuse a pour effet de réduire les zones d'entrée en hyperespace. Et nous en avons bloqué la majorité. La plupart des vaisseaux ennemis ne semblent pas assez gros pour être équipés de nav-ordinateurs capables de calculer une autre issue dans un délai raisonnable. Ils devront donc se résoudre à communiquer ou à se battre. Ils ne pourront se contenter de fuir. Au cas où ils choisiraient la seconde option, êtes-vous prête à intervenir ? Bien sûr, amiral. répondit la douce voix de Joram Ali. Je pense que je sortirai moi-même aux commandes d'un Vector si nous devions en arriver là. J'ai Avar Kriss à bord de l'Ataraxia. Elle pourra aider à relier les Jedi entre eux comme elle l'a fait dans le système Ezzal. Fantastique, répondit l'amiral, et il le pensait vraiment. Les Jedi étaient toujours très impressionnants, mais ce qu'il avait vu à Ezzal au cours de la catastrophe du Legacy Run était remarquable. Si Avar Kriss pouvait mettre en pratique cette gamme de compétences sur un véritable champ de bataille, cela pourrait leur conférer un avantage décisif. L'amiral Cronara joignit les mains dans son dos. Il adressa un dernier regard à l'écran tactique, puis donna l'ordre. « Ouvrez un canal de communication. Voyons si ces criminels acceptent de discuter. » « Ils essaient de nous contacter », indiqua Delex. « Ne réponds pas », rétorqua Kassav. « Je n'en avais pas l'intention », répliqua-t-elle. « Mais il faut bien qu'on fasse quelque chose. Avec toute cette poussière spatiale causée par la nébuleuse, c'est impossible de passer en hyperespace de n'importe où sans exploser. Les vaisseaux de la République bloquent la zone d'accès à l'hypervoie la plus proche. On pourrait s'échapper avec un sentier, mais l'œil ne nous en a pas donné. « Il faut qu'on attaque, c'est ça ?» intervint Gravan depuis le poste d'artilleur. Flotte de combat ou pas, si on tue pas tous ces gars, les Nils, c'est fini. Laissez-moi une seconde pour réfléchir, ok? Gronda Kassav. Il se tourna vers Delex. Est-ce qu'il y en a une autre? Une zone dégagée permettant de passer en hyperespace sans un sentier, je veux dire. La femme consulta ses écrans. Ouais. Pas tout près, mais si on y va à plein gaz, il y a moyen qu'on l'atteigne avant que les vaisseaux de la République nous tombent dessus. D'accord. Donne l'ordre à tous les vaisseaux, alors. Qu'ils foncent vers cette autre issue. Ensuite, qu'ils se dispersent, puis qu'ils attendent de mes nouvelles avant de faire quoi que ce soit. Quoi que ce soit, c'est bien compris? Pas de pillage, rien. Juste faire profil bas jusqu'à ce que je les recontacte. Gravan prit la parole. C'est pas que je veux vous remettre en question, patron, mais... Alors ne le fais pas, répliqua Kassav en le fusillant du regard. Il avait mal à la main, mal à la tête, mal partout. Il aurait voulu qu'il y ait au moins une chose qui se passe bien. Gravan ne semblait pas comprendre ça. Il déglutit. Sa gorge était aussi sèche que de la poussière. Le truc, Kassav, c'est que Mark Yonrou nous a expliqué à moi, Trempette et Delex, les ordres qu'il vous avait donnés. Et il a dit que si vous ne faisiez pas ce qu'il demandait, eh bien... Eh bien quoi? Qu'est-ce que vous croyez que vous allez faire? Rugit Kassav en dégainant son blaster de la main gauche et en le pointant sur son orage à la loyauté sans faille. Mark Yonrou disait à ses hommes ce qu'ils devaient faire maintenant. Il leur donnait des instructions dans son dos. Trempette et Delex dégainèrent à leur tour. Enfin, Delex se contenta d'activer son canon d'épaule, mais il le vit s'illuminer et entendit un petit vrombissement significatif. Sur la passerelle, les autres Nils se figèrent, incertains de ce qu'ils devaient faire, attendant de voir comment les choses allaient tourner. « On est censé te tuer, » répondit Trempette. « Voilà ce que l'œil nous a dit de faire. Il a dit que ce que tu as fait à Eriadou a mis tout le monde en danger et que cette mission, c'est la seule solution pour nous garder tous en sécurité. La seule solution pour que tout aille bien à nouveau. Ce que j'ai fait à Eriadou, espèce de sale traître. Ce que j'ai fait? Comme si tu n'avais pas été à mes côtés tout du long à diriger l'opération avec moi, pensa Kassav. Il aurait peut-être été capable d'abattre les trois. Mais pas de la main gauche. Il garda son blaster pointé sur Gravan et répondit en crachant chaque mot. « Vous pensez que Mark Yonrou savait qu'on allait se retrouver face à une flotte de combat de la République? Écoutez, c'est tout l'un ou tout l'autre. Soit il le savait et il nous a volontairement envoyé au casse-pipe, soit il l'ignorait et dans ce cas, il serait le premier à nous dire de déguerpir pour avoir une chance de prendre notre revanche plus tard. » Dans un cas comme dans l'autre, on doit partir. On trouvera bien un autre moyen de nous débarrasser de cette boîte noire de malheur. Il vit ses trois orages réfléchir à ses options. Trempette, retourne à la com. Essaie de joindre l'œil. Dis-lui ce qui se passe et demande-lui un sentier pour nous sortir de là. Le Gungan hésita une ou deux secondes, puis rengaina son blaster et se dirigea vers la console des communications. Delex, transmets les ordres que je t'ai donnés au reste de la flotte. Dis-leur de filer aussi vite que possible jusqu'à l'autre point de transfert. Gravan, retourne au poste d'artillerie, juste au cas où ces salopards de la République décideraient de nous canarder. Pas de réponse de Markion Ro, indiqua Trempette. Mais le croiseur de la République tente à nouveau de nous contacter. Cassav regarda ses lieutenants d'un air entendu. Vous voyez, semblait dire son regard, on est tout seul sur ce coup. Sans un autre mot, ils rangèrent leurs armes et suivirent ses ordres. Il sentit les moteurs du New Elite monter en intensité, tandis que l'appareil se préparait à fuir le piège dans lequel, il en était quasi persuadé à présent, Markion Ro les avait précipités. « Ah !» dit Delex d'une voix inhabituellement étouffée. « Quoi encore ?»« Une autre flotte vient de débarquer. Par l'autre point de transfert hyperspatial, on est cerné, Cassav. »« Dis-moi que ce sont des Nils. Dis-moi que c'est la tempête de Panetta. » Ce n'est pas eux. Les vaisseaux indiquent tous provenir d'Eriadou. C'est là qu'on a foiré notre opération d'extorsion, indiqua Trempette. Là où cette lune a été pulvérisée. Une clarification absolument inutile. Tout le monde sur cette passerelle savait exactement ce qu'ils avaient fait à Eriadou. Ce qu'ils ignoraient peut-être cependant, c'était la réputation des gens qui vivaient là-bas. Cassav la connaissait, lui. Il s'était renseigné après sa petite visite dans leur système. Ce qu'il avait appris lui avait fait pousser des jurons pendant une minute d'affilée. Manifestement, les Nihils n'étaient pas les seuls prédateurs de la galaxie. Eriadou était l'une de ces planètes de guerriers. Une culture entière pétrie d'idéaux tournant autour de la vengeance, de la justice, du sang et de l'honneur, où l'on s'offensait d'un rien, se provoquait en duel, s'empoisonnait les uns les autres, et autres joyeusetés du genre. Mais pour le moment, ils semblaient avoir mis de côté leur querelle assez longtemps pour unir leurs forces et se mettre en chasse. « Eh bien, changement de programme, on dirait. » commenta Cassav. « Prévenez tous les vaisseaux. » Le moment est venu de se battre. Tuons-les jusqu'au dernier. Tous sur la passerelle regagnèrent vivement leur poste pour se préparer au combat. Ils semblaient excités. Même ces imbéciles de lieutenants qui auraient dû être moins naïfs. Cassav pressa un bouton sur son fauteuil de commandement et la musique reprit. Un nouveau morceau de rec-punk, palpitant, rythmé et plein de bruit métallique. Il poussa le volume au maximum. Pour les Nils ! S'écria Cassav en levant son poing mutilé et douloureux au-dessus de sa tête. Pour la tempête ! Répondirent-ils tous en chœur avec ardeur et impatience. Cassav contempla son équipage, son regard glissant d'un visage à l'autre. Dans la lueur verdâtre de la nébuleuse de cœur qui continuait de nimber la passerelle, ils ressemblaient tous à des cadavres. Mort depuis 3 jours. Pour les Nils, pensa Cassav. Pour la tempête.